Il veut sauver la terre comme un Américain. Avoir un revolver comme un Américain. Devenir gros et fort comme un Américain. Partir chercher de l'or comme un Américain. Construire l'Europe ne sert à rien. On est tous Américains. Je mange des hamburgers comme un Américain. J'aime voir des films d'horreur comme un Américain. Si tu veux pas bosser comme un Américain, je te fais un procès comme un Américain. Construire l'Europe ne sert à rien. On est déjà Américain. J'aurai une belle voiture comme un Américain. Parce que j'aime la nature comme un Américain. Je serai roi du monde comme un Américain. Avant qu'il ne s'effondre à cause des Américains. Construire l'Europe de demain, c'est devenir Américain. Ou sinon, ils vont débarquer. Ou sinon, ils vont nous taper. Ou sinon, ils gardent le pétrole. Ou sinon, on est communistes.